Tu avais un rêve, ce petit n'avait jamais la fève. Histoire des favelas de Paris, la banane c'est son village. 20ème sur le panneau, mais Bendero dans ton panier. J'ai pas de rivaux, y'a pas de relève, Luna remonte juste le niveau. Le petit avait un rêve, Bendero est sous popo. Nous n'avons pas de pépette, elle ne veut que sa pépite. Dans la maison y'a un pépon, à la banque y'a du papier. Qui aurait cru que je serais partout, moi va moi c'était de partir. Le petit avait un rêve, Bendero est sous popo. Nous n'avons pas de pépette, elle ne veut que sa pépite. Dans la maison y'a un pépon, à la banque y'a du papier. Qui aurait cru que je serais partout, moi va moi c'était de partir. Qui aurait cru, qui aurait dit, y'a plus de doute, j'ai plus tête. J'fais des kills de pépette, prends ta meuf à quatre pattes et je la mime comme un pitolier. Crie que je l'ai pas toute la nuit, j'ai la poutre et souffle, je me rappelle. Ben des manques à l'appel, je lui volais tous ses pulls. Maman, je la rendais pas, je m'en foutais de boule et bille. La vie me donnait les bouches, niquais tout dans ma bulle. Souvent seul à la barre, comme derrière les barreaux. Luna, c'est pas pareil, son mec c'est Bendero. Un vrai bandolero jusqu'au délibéré. C'est un délire, c'est le déluge, mes petites soeurs prennent de l'âge. Moi, je mets le rap à la page, le temps passe, pan capes. Luna, elle les pique tous fortes comme Puka ou Tasse. La plus belle au passage, c'est carré, je suis courtoise au courant. Que l'embrasser, ce jour tout a changé. Elle n'a jamais changé du placard au plata. Le petit avait un rêve, Bendero est sous popo. Nous n'avons pas de pépette, elle ne veut que sa pépite. Dans la maison y'a un pépon, à la banque y'a du papier. Qui aurait cru que je serais partout, moi va moi c'était de partir. Le petit avait un rêve, Bendero est sous popo. Nous n'avons pas de pépette, elle ne veut que sa pépite. Dans la maison y'a un pépon, à la banque y'a du papier. Qui aurait cru que je serais partout, moi va moi c'était de partir. Le petit était rêveur, je regardais le monde dans des revues. L'histoire j'ai révisé, l'humain n'est pas reconnaissance. Une racaille sans rancune, sans retenue. Retiens ça, fais pas le sourd, c'est sans soupe. Et Luna m'a soutenu. Le petit aimait rêver, coupant du shit dès le réveil. C'est comme ça, fallait de la paille, mes deux couilles me font ma paye. Bendero vole toutes les parts, tu peux trouver vers le Pérou. Dans le secteur, entre de péril, la rue, la vraie, ça repart haut. Mais partout, moi je me sens peinard, dans mon caleçon, j'ai mon pétard. Le petit avait un rêve, comment son rêve n'est pas méchant, mais pas qu'à vendre pas la mèche. Ne parle même pas de ça, la mèche, je suis jusqu'à la maison, ça marche. Le petit n'a jamais fait la manche, le petit dit beaucoup de choses qui fâchent. Mon mot ne joue pas, cache-cache. Il est cache, il fait des quiches, le week-end il couche ta meuf. Le petit avait un rêve, le petit fait des ravages. Je te dis, j'ai pas de rivaux, tout petit sur le terrain dès le réveil. Le petit avait un rêve, Bendero est sous popo. Nous n'avons pas de pépette, elle ne veut que sa pépite. Dans la maison y'a un pépon, à la banque y'a du papier. Qui aurait cru que je serais partout, mon rêve à moi c'était de partir. Le petit avait un rêve, Bendero est sous popo. Nous n'avons pas de pépette, elle ne veut que sa pépite. Dans la maison y'a un pépon, à la banque y'a du papier. Qui aurait cru que je serais partout, mon rêve à moi c'était de partir. Je vais en